Les billets sont achetés, les affaires sont rangées, tout est prêt. Se motiver la semaine, j'imagine la scène dans un palais. C'est notre premier concert dans une salle d'enfer. L'affiche est excitante, plus qu'une journée d'attente. On monte dans le train, la ville est si loin, tant de chemin. À chaque arrêt en gare, des jeunes gens branchés squattent le quai. Nous voilà débarqués, les fauves sont lâchés, libérés. Il nous faudra marcher, c'est le prix à payer pour rêver. C'est notre premier concert dans une salle d'enfer. L'affiche est excitante, plus qu'une journée d'attente. Les artistes ont posé le pied sur les planches gravées de leur empreinte chargée d'émotions qui laissent échapper. Les artistes ont posé le pied sur les planches gravées de leur empreinte chargée d'émotions qui laissent échapper. On aperçoit l'entrée, la foule y est plantée, c'est gagné. Des gars bien baraqués nous foutent la tête aux pieds sans se blesser. La meute est soulagée, le barrage est passé en hier. Le monde est amassé, la lumière est coupée, qu'est-ce qu'on fait? C'est notre premier concert dans une salle d'enfer. L'affiche est excitante, plus qu'une journée d'attente. Les artistes ont posé le pied sur les planches gravées de leur empreinte chargée d'émotions qui laissent échapper. Les artistes ont posé le pied sur les planches gravées de leur empreinte chargée d'émotions qui laissent échapper. D'émotions qui laissent échapper. D'émotions qui laissent échapper. D'émotions qui laissent échapper.